franceinter.fr. Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1925, le voyage au Congo d'André Gide. La photo en noir et blanc est terrible. Devant une hutte d'un village africain, deux hommes sont assis l'un en face de l'autre à une table recouverte d'une nappe. Une théière, des tasses, ça doit être l'heure du thé. Les hommes sont minces, élégants, blancs. Ils se ressemblent, le même casque colonial, les mêmes chaussures blanches. Une complicité nonchalante semble lier les deux hommes. Le plus jeune, c'est Marc Allégret, futur cinéaste. L'autre, plus âgé, c'est André Gide, le grand écrivain français, l'auteur de la symphonie pastorale des Faux Monnayeurs. Ils sont amis et ils sont amants. Cette photo prise au Congo en 1925 est terrible à cause du charme désuet qui s'en dégage et par tout ce que sans le montrer elle rappelle. La violence du colonialisme, quand la France dominait presque la moitié de l'Afrique. Mais pour André Gide, persuadé comme la plupart de ses contemporains des bienfaits civilisateurs de la colonisation, ce séjour en Afrique va marquer un tournant, le début d'une prise de conscience qu'il fera connaître au monde entier dans un livre désormais célèbre, « Voyage au Congo ». Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Franck Lestringant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de littérature à la Sorbonne et l'auteur d'une imposante biographie d'André Gide, qui fait référence aujourd'hui. Alors André Gide, né en 1869, prix Nobel de littérature en 1947, mort en 1951, un homme, on peut dire, à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Alors l'histoire que je vais raconter dans un instant commence donc en 1925, quand Gide est au Congo, ce n'est plus un jeune homme, il a 56 ans. Mais qui est-il à cette époque? Est-ce qu'André Gide est connu, un écrivain reconnu? Alors, il est connu depuis quelques années. C'est un peu la guerre qui l'a fait connaître. Alors, son premier succès littéraire, ce sont les Caves du Vatican, qui paraît juste avant la guerre, en 1914, au début de 1914. Et c'est surtout après la guerre qu'il devient le chef de la jeune génération. Par exemple, les futurs surréalistes André Breton, Aragon, vont le voir et le connaissent et le publient. Ils sont beaucoup plus jeunes que lui. Ils sont beaucoup plus jeunes que lui. Oui, c'est la génération d'après. Mais comme il y a eu l'hécatombe de 1914-1918, Gide est décalé, enfin, et il va avoir le leadership intellectuel pendant tout l'entre-deux-guerres, pratiquement. André Gide a déjà beaucoup voyagé, hein, c'est pas son premier voyage. Mais pourquoi est-ce qu'il veut partir en Afrique? Alors c'est le premier voyage hors d'Europe. Il connaît bien l'Europe, il connaît bien l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, mais c'est son premier voyage hors d'Europe. Il n'ira jamais en Amérique, par exemple. Il n'est pas allé dans le monde entier, il n'est pas du tout allé en Amérique. Mais l'Afrique, c'est justement pour tourner le dos à la civilisation. Gide s'est trouvé enfermé, surtout pendant la guerre de 14, et il ne pouvait pas franchir les frontières, c'était difficile de quitter la France. Il a réussi néanmoins à partir en 1918, avant l'armistice, plusieurs mois avant, avec Marc Allégret. Et ils ont vécu une lune de miel à Cambridge, tout à fait extraordinaire. Mais en dehors de ça, Gide est un peu prisonnier. Donc il s'échappe vers ce qu'il pense être la nature, vers les primitifs, comme on disait à l'époque. Alors, les grands voyageurs partent, c'est une évidence, pour découvrir le monde, appelé par le désir d'aventure, de la nouveauté, mais c'est souvent aussi pour fuir quelque chose, hein, il me semble. Et André Gide, je pense, n'échappe pas à la règle. Hein. C'est quand même, il vient d'une famille protestante assez rigide, il a une mère un peu stricte. Épouse stricte également. Voilà, parce qu'en 1925, bon, c'est quand même un homme marié, André Gide. Oui. Il est marié à Madeleine, depuis 1895, hein, c'est sa cousine, il est marié avec elle, une relation pas très charnelle, hein. C'est oui. Le moins qu'on puisse dire. Il y a eu un acte charnel sans doute, enfin un acte raté d'ailleurs, ça s'est mal passé, et ils sont restés cousins, mais ils s'aiment, c'est ça qui est très curieux. Et alors, Madeleine Gide donne de l'argent pour les missions protestantes en Afrique. Et c'est peut-être elle qui a donné l'idée à son mari de partir en Afrique. C'est pas impossible. Alors Gide, évidemment, va faire tout le contraire de la mission. Enfin, il va là-bas pour rencontrer des jeunes garçons noirs, évidemment. Ouais. Et il va en profiter. Donc c'est à la fois... C'est assez bizarre, oui. Oui, c'est le renversement un peu pervers, enfin, de Gide. Enfin, il y a toujours ça chez lui. Mais en même temps, il va se retrouver missionnaire malgré tout. Oui, et puis à ce moment-là, il est aussi père d'une petite fille. Oui. Qui s'appelle Catherine. Catherine Gide, oui, effectivement. Catherine Gide qui est décédée en 2013, donc qui était son héritière et grâce à laquelle j'ai pu écrire ma biographie. Vous l'avez connue. C'était une femme très généreuse, très intelligente, évidemment. Un peu comme son père et assez provocante aussi. Quelqu'un d'assez remarquable. Il a une vie assez anticonformiste, Gide. Donc il est marié et en même il a un enfant. Enfant avec une autre femme et en même temps il est homosexuel. Enfin bon, c'est peut-être des choses qui se faisaient beaucoup à l'époque, je ne sais pas. Bah c'est une femme qui voulait avoir un enfant de lui. C'était Elisabeth von Reisselberg qui voulait un enfant de lui. Alors voilà, bah il lui a fait un enfant. Mais c'est pas la première fois qu'il part. Il est déjà parti en Afrique du Nord quand même. Il a eu des aventures sexuelles. C'est bien là qu'il a découvert le plaisir sexuel. Oui, et c'est raconté dans l'Immoraliste, dans son roman l'Immoraliste, qui date du tout début du siècle. Mais c'est la première fois qu'il va en Afrique noire. Et Alger, c'est presque la France à l'époque. C'est une ville française. Et Gide regrette que ça ne soit pas plus exotique. Et donc il va plus loin. Il va plus loin. Il connaît l'Afrique du Nord, c'est vrai, mais il ne connaît pas l'Afrique noire. Et Marc Allégret, qui est-ce à ce moment-là? Alors Marc Allégret, c'est le fils d'un pasteur, un adolescent au départ que Gide connaît, et dont Gide tombe amoureux en 1916. C'est en 1916 qu'il tombe amoureux de lui. Alors sa passion pour Marc Allégret, il va la réprimer, il va la contenir, et puis un beau jour, arrive ce qui devait arriver, il couche avec lui, et c'est une aventure complètement folle, et ils vont tous les deux en Angleterre, à Cambridge, comme je l'ai dit, et là ils vont vivre une idylle assez passionnée. Alors, après la guerre, Marc Allégret gravite dans la sphère de Gide et fait la connaissance de Jean Cocteau. Et Jean Cocteau commence à s'intéresser à Marc Allégret, ce qui déplaît fort à Gide. Et donc, il se dit, l'Afrique, ça serait pas mal d'emmener Marc là-bas, comme ça, il serait à l'abri. Ah, ouais, d'accord. Mais il n'est pas à l'abri de tout, comme on verra. Or, Franck Lestringant se retrouve dans une trentaine de minutes, tout de suite. 1925, Le voyage au Congo d'André Gide, un texte de Jean-Philippe Noël, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Réalisation Michel Sidorov. Je me demande comment il fait pour dormir. L'insouciance de la jeunesse, sans doute. Moi, je ne peux fermer l'œil sans que les images de ce bal reviennent. Ce triste bal me hante. Un cauchemar éveillé. Je suis vraiment naïf. J'ai cru à la belle fable des indigènes que la colonisation viendrait sauver. Bien sûr, je me doutais bien que tout n'était pas rose. Les nègres ont une tendance naturelle à la paresse, le climat, certainement. Il fallait les pousser, les contraindre sur la voie du bonheur que nous leur apportions tout fait. L'état de sauvagerie dans lequel ils se trouvaient nécessitait quelques sévérités, mais au fond, tout cela était pour leur bien. Mais ce soir, cette nuit, maintenant j'ai mal. Mon corps n'est plus qu'une immense plainte. Je les imagine tournant en rond comme des bêtes écrasées sous le poids de leur fardeau. Je suis pris dans cette ronde infernale, dans ce bal sanglant. Octobre 1925. Lorsqu'il entend parler pour la première fois du bal de Bombio, cela fait 3 mois déjà qu'André Gide est en Afrique. Mais cet événement va marquer un tournant décisif dans ce périple africain qui à l'origine n'était qu'un voyage d'agrément. André Gide a 56 ans. Sans être un écrivain populaire, c'est un intellectuel reconnu. Homosexuel notoire, il vit une passion avec Marc Allégret, un étudiant de 25 ans qui n'est autre que le fils de son ancien précepteur. Marc est aussi du voyage, et si l'idée de cette longue traversée vient de l'écrivain, le jeune homme en est la cheville ouvrière. C'est Marc qui s'est occupé des préparatifs et qui, depuis leur débarquement, assure l'intendance de ce périple de plusieurs mois, depuis les côtes du Gabon jusqu'au Tchad. Ensemble, ils ont quitté Marseille en juillet 1925. Et après avoir fait escale à Douala, puis à Pointe-Noire, ils ont pénétré l'intérieur de l'Afrique en suivant le cours du fleuve Congo, frontière entre le Gabon français et le Congo belge, en voiture, en bateau et aussi souvent à pied. En octobre 1925, donc, juste avant que n'éclate l'affaire du bal de Bambio, André et Marc se trouvent dans la région de Bangui. L'actuelle capitale de la République centrafricaine n'est alors qu'un petit centre administratif de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Ah, te voilà. Tu as pris un café ? Pas vraiment eu le temps. Mais qu'est-ce qu'il y a ? T'as passé une mauvaise nuit ? Adoum, tu apportes du café pour Monsieur Marc, s'il te plaît. Tu me dis ce qu'il se passe. Tous les porteurs nous quittent. Tous ? Merci, Adoum. Oui, tous, les 60. Je ne sais même pas pourquoi. Je croyais d'abord que c'était parce qu'ils se sentaient trop loin de chez eux. Et finalement ? D'après ce que me dit Adoum, ce n'est pas du tout pour ça. En fait, mais j'ai parfois des difficultés avec les traductions, si j'ai bien compris, c'est plutôt un problème d'argent. Comme tu le sais, ce n'est pas nous qui les payons directement, ils sont payés par l'administration. Mm-hmm. Les porteurs disent qu'ils ne reçoivent jamais l'argent ou très peu. Ils disent que leur chef le garde pour lui. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas continuer. Ils préféreraient que nous les payions chaque semaine, nous-mêmes. Tu m'écoutes ? Il est beau avec son casque blanc, avec son habit colonial. Je peux bien m'inventer toutes les raisons de la Terre, me dire que j'avais besoin de mettre de la distance entre Madeleine et sa jalousie destructrice, me dire que j'avais rêvé une telle aventure il y a plus de 20 ans, croire que j'avais envie de mettre mes pas dans ceux du héros de Joseph Conrad, penser que j'avais besoin de me tenir loin de l'agitation parisienne. Ce voyage, c'est lui. Vivre ce moment-là avec lui. Quelque chose qui n'appartienne qu'à nous, qui soit notre histoire. Sur des terres vierges comme au premier jour avec l'homme que j'aime. Seul et unique amour. Tu m'écoutes ? Je ne fais même que ça. Je te disais que les porteurs veulent bien venir avec nous, à condition que nous les payions directement. Qui se sert au passage. C'est drôle d'ailleurs. Aucun des porteurs ne sait compter, mais ils sont certains de se faire rouler. Ils n'ont confiance ni en leur chef, ni en ce dénommé Pacha. C'est l'administration coloniale qui les paie. Pacha. Oui, Georges Pacha en personne. Et on peut les payer ? Il faut juste que je fasse les comptes. L'administration paye 1 franc 25 par journée l'homme avec charge et 75 centimes non chargés. Alors ce qui fait que... Tu as l'air passionné par ce que je te raconte. Je me disais juste que tu étais parfait et que c'est un bonheur de se reposer sur toi. Tu veux des œufs ? Je vais demander à Zézé de nous préparer une omelette. Dans ces années d'entre-deux-guerres, le continent noir est autant synonyme d'exotisme, d'inconnu que d'œuvre civilisatrice. C'est encore le temps des grandes expéditions à l'ombre des casques coloniaux, des chemises blanches, des bottes de cuir cirées chaque matin et des chaises à porteurs. Les repas se prennent sur des tables pliantes recouvertes de nappes et le thé dans des services de porcelaine. Lors d'une escale à Brazzaville, André Gide et Marc Allégret ont fait la connaissance d'Yvonne de Trévise. Pour le compte de l'Institut Pasteur, cette jeune femme de la bonne société parisienne mène des campagnes de vaccination contre la maladie du sommeil. J'ai beau compter et recompter chaque matin, le nombre de porteurs n'est jamais le même que la veille au soir. Alors vous savez ce que Marc a voulu faire ? Il a essayé de leur apprendre à se compter eux-mêmes. Le premier disait 1, le deuxième 2, et ainsi de suite. Et ça n'a jamais fonctionné. J'ai cru que je devenais fou. Je regrette qu'on n'ait pas filmé la scène, même les porteurs étaient morts de rire. Je vois parfaitement comment cela se passe. Avant chaque vaccination, j'essaie de recenser les enfants des villages. C'est impossible. Nous devons nous y reprendre à 20 fois. Et bien souvent, nous finissons par vacciner 2 à 3 fois les mêmes. Yvonne, je vous admire. Je ne sais pas comment vous faites. Comme vous, je retrousse mes manches. Et puis, quand je suis au milieu de tous ces gamins sales et dénutris, je me dis que je n'ai pas le choix. Cette maladie est terrible. Elle fait des ravages. Si nous ne faisons rien, ces populations seront décimées en quelques décennies. On est tout de même un peu responsable, je crois. Que voulez-vous dire ? La colonisation a obligé les indigènes à changer radicalement leur mode de vie, sans compter les déplacements de population qui favorisent la propagation du virus. Je n'y avais pas songé. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des zones où la maladie du sommeil n'était pas présente il y a 20 ans et qu'aujourd'hui, elle y fait des ravages. Oh, celui-là ! Vous le voyez ? Surtout plus un geste ! Là, là, mon joli ! Tiens-toi tranquille ! Dire que je suis en train de chasser le papillon en Afrique avec Monsieur Gide ? Avec lui, il ne faut s'étonner de rien. Ah ! Et voilà ! Comment le trouvez-vous ? N'est-il pas magnifique ? Superbe, vraiment très beau. Le Muséum de Paris m'a chargé d'enrichir sa collection. C'est plutôt toi qui t'es proposé. Vous vous y connaissez donc en papillon ? Oh mon Dieu ! Vous le voyez, là-bas, sur la fleur rouge ! Je crois bien que c'est un acraia. Restez derrière moi. Attends, mon petit, attends ! Oh non ! Allez, repose-toi ! Attends-moi ! Il les connaît tous. Son véritable plaisir serait d'en trouver un nouveau. Petit. L'espèce qui portera son nom, le Papilio maximus gidus. J'étais loin de penser qu'André s'intéressait aux papillons à ce petit, point. Petit. En fait, il adore la nature. Mon père, vous savez qu'il a été son tuteur. Mm-hmm. Ils nous racontaient que plus jeune, André faisait de grandes balades dont il rapportait tout ce qu'il pouvait trouver. Tout ce qui à ses yeux avait un intérêt, n'importe quel caillou, plume ou insecte. Mais parlons plutôt de vous, chère Yvonne. Tu es content de tes nouvelles prises ? Mmh. Et toi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, j'ai compris, tu es jaloux. Mais non. En fait, un peu. Je te rappelle qu'on a toujours été libres l'un par rapport à l'autre. Aucun compte à se rendre. C'est toi qui as fixé les règles, pas moi. Et je ne t'ai jamais caché que j'aimais les femmes. C'était clair dès le départ, on fait ce qu'on veut. Durant les années folles, l'Afrique est pour nombre d'intellectuels un monde primitif, sorte d'Éden perdu où toutes les expériences sont permises. Dans le récit qu'ils feront de leur périple, ni André ni Marc ne dissimuleront les aventures sexuelles qu'ils eurent avec de très jeunes Africains pour Gide et Africaines pour Allégret. Et je trouve Yvonne vraiment charmante. Tu m'avais caché que tu la connaissais. Je suis allé parfois dans son salon littéraire à Paris. C'est ce qu'elle m'a dit. Tu sais qu'elle divorce ? Eh bien, comme ça, elle sera bientôt libre. Bon, arrêtons cette discussion ridicule. Allons nous changer ou nous finirons par être en retard à ce dîner. Comment s'appelle-t-il déjà ? Pacha, c'est ça ? Tu parles d'un nom pour un administrateur de colonie. Alors, monsieur Gide, qu'est-ce que nous vaut l'honneur de votre visite dans des contrées aussi profondément perdues ? Disons, monsieur Pacha, que j'avais envie de voir de plus près la réalité africaine. La réalité africaine ? Merci. La réalité africaine. Je vois, oui. Je me suis laissé dire que vous étiez missionné par le gouvernement. Est-il indiscret de vous demander de quel genre de mission il s'agit ? Je vous avouerai que je l'ignore moi-même. Je dirais plutôt que le gouvernement m'a fait un ordre de mission pour faciliter les démarches administratives. Ah, me voilà rassuré. J'ai cru que vous étiez venu nous espionner. Oui, je n'aurais guère fait un espion très discret. C'est vrai, votre venue ne passe pas inaperçue. Que voulez-vous dire ? Que même la compagnie forestière se tient à votre disposition ? N'exagérons rien. J'ai tenu à informer M. Weber de ma présence dans une région où son entreprise est très active. Il m'a poliment répondu que je pourrais faire appel à la compagnie forestière si quelque chose manquait. Malgré les espoirs soulevés dans les années 1880 par la découverte du bassin du Congo, l'État français ne parvient pas à mettre en place son exploitation économique. À partir des années 1900, le gouvernement se résout à partager la colonie en vastes concessions territoriales dont il confie l'exploitation à des entreprises privées, espérant que, grâce à leurs bénéfices, elles mettront elles-mêmes le pays en valeur. Ce ne sera jamais le cas. La compagnie forestière Sanga Ubangi est l'une d'elles, l'une des plus omnipotentes même. Elle a reçu de l'État le monopole de l'exploitation du caoutchouc sur plus de 5 millions d'hectares. Palliant les déficits d'une administration chimérique et mal organisée, la compagnie forestière Sanga Ubangi est devenue en quelques années un véritable État dans l'État, tenant tous les pouvoirs. Le président de la compagnie forestière a bien fait, parce que les rares infrastructures qu'il y a dans ce trou sont les siennes. Et ça ne vous dérange pas qu'une entreprise privée ait autant de pouvoir ? Il faut voir les choses comme elles sont. La France n'a pas les moyens de ses ambitions. L'AEF, c'est un territoire immense, sans aucune infrastructure. Alors on est bien obligé de faire avec ce qu'il y a sur place. Vous voulez dire que vous êtes aux ordres d'une compagnie privée ? Attention à ce que vous dites, jeune homme. Je ne voulais pas... Je vais vous dire une bonne chose. Si l'administration locale ne s'appuie pas sur la compagnie forestière, la France n'a aucune chance de s'implanter. Alors vos insinuations, vous les gardez pour vos salons parisiens. Moi ici, je dois faire le boulot. La voilà, la réalité africaine. Et vous trouvez cela normal ? Normal ? Mais rien n'est normal ici. Je suis quasiment tout seul pour gérer un territoire grand comme 3 départements français peuplés de sauvages, qui sont prêts à en découdre et qui ne comprennent que les coups. J'ai été nommé pour remettre de l'ordre dans la région parce qu'il y a une bande de nègres qui a un peu trop tendance à oublier que maintenant, ici, l'ordre, c'est nous. Et croyez-moi, quand ces sauvages commencent à s'exciter avec leurs javelots, mieux vaut ne pas se trouver seul sur leur route, car vous terminez en casse-croûte. Pas vrai, monsieur Blot ? Oh, non, il ne faut pas que je dise ça. Blot, il les aime bien, les nègres. Ils trouvent même qu'on les traite pas bien. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, monsieur Blot, de vous soucier des indigènes ? Que des ennuis ! Et vous, monsieur Pacha, vous trouvez qu'on les traite bien ? Et vous, monsieur Gide, vous les traitez bien, vos porteurs ? Nous les traitons parfaitement bien. Nous leur donnons même double ration. Chacun s'arrange comme il peut avec sa morale. Comment osez-vous ? Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'ils sont là de leur plein gré ? Heureux de porter la chaise du fameux écrivain ? Je marche le plus possible. Oh, c'est très généreux de votre part. Combien en a-t-on mis à votre disposition ? 50 ? 60 ? Rien que pour vous et votre ami ? Je trouve que vous allez un peu loin. Un peu loin ? Mais vous qui vous souciez de leur sort, vous ne croyez pas qu'ils seraient plus heureux dans leur hutte à gratter leur bout de terre ? Je crois que l'on doit trouver un juste équilibre entre ce que l'on peut attendre d'eux et leur profonde nature. Leur nature profonde. C'est de rentrer dans leur case et d'y rester. Alors s'en sera terminé de la grande œuvre colonisatrice. Il faut choisir son camp, monsieur Gide. Ici, c'est blanc ou noir. Excusez-moi, je me sens fatigué. La chaleur, sûrement. Si vous permettez. Marc, rentrons. Messieurs, bonne fin de soirée. Merci. Ce type est monstrueux. Monsieur Gide. Monsieur Gide. Oui. Excusez-moi, je m'appelle Blou. André, je suis... Enfin, je crois... Bref, l'administrateur de la région de Carnot. Il faut que je vous parle, c'est important. On vous écoute ? Non, pas maintenant, pas ici, pas ce soir. À ta santé, vieux capitaine. Tu as bien raison, Joseph Conrad. L'Afrique de nos fantasmes est loin derrière nous. Adieu, le monde sauvage et pur. Même le cœur de l'Afrique est pourri jusqu'à la moelle. Je croyais pouvoir passer tranquillement à côté. C'est raté. L'angoissante question de nos rapports avec les indigènes est partout présente. Elle nous saute à la figure à chaque instant. Comment l'éviter ? Je pensais m'en sortir avec quelques pirouettes de l'esprit, de généreux pourboires et beaucoup de compassion. Je commence à peine à entrevoir l'extraordinaire complexité, le vaste enchevêtrement de tous les problèmes coloniaux. Ce que je ressens maintenant, là, étalé sur mon lit, alors qu'il fait une chaleur de tous les diables et que je viens de me perdre dans la volupté féline d'un jeune corps d'ébène. Ma totale incompétence. Bienvenue, mon vieux. Tu l'as voulu, toi aussi, ton voyage au cœur des ténèbres. Tu y es. Démerde-toi. T'as entendu ? Réveille-toi ! Quoi ? Je dormais. Écoute. Ce sont des pas ? Monsieur. Monsieur. Qui est là ? C'est Samba, monsieur. Je peux te parler ? Tu connais un samba ? Oui, au moins 100. Pas maintenant, il est tard. Mais je dois te parler maintenant. Allons voir ce qu'il veut. Attends, nous sortons. Comment dis-tu t'appeler ? Je m'appelle Sambangoto. Je suis chef de village. Mais pourquoi veux-tu nous parler et maintenant ? Parce que si Pacha apprend que je vous parle, alors il me jette en prison. Pourquoi ferait-il une chose pareille ? Parce qu'il ne veut pas que les Blancs apprennent comment ça se passe ici. Et pourquoi nous ? Parce que les porteurs m'ont dit que tu étais généreux avec eux et que tu connaissais le gouverneur. Et lui doit savoir. Et il doit savoir quoi ? Voilà. Il y a une semaine, il y a eu un grand massacre. Un grand massacre ? Mais fait par qui ? Ils sont allés au village de Bodembéré pour obliger les habitants à faire un village ailleurs. Un village ailleurs ? Pourquoi ? Pour construire des routes pour la compagnie. Mais les villageois, ils voulaient rester sur leur terre pour cultiver le manioc. Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'administrateur, tu veux dire Monsieur Pacha ? L'administrateur, il a envoyé le sergent Yemba. Pour aller chercher les villageois. Pour aller faire la guerre. La guerre ? Il a pris des hommes et il est allé faire la guerre à Boudembélé. Avec ses soldats, il a attaché 12 hommes sur des arbres. Et il les a tués. Il les a tués ? Comme ça ? Vous dites que Pacha est au courant. C'est pas tout. Ils ont tué les femmes. Ils les ont tués ? À coups de machette. Et les enfants aussi. Ils les ont mis dans une hutte et ils ont mis le feu. Mon Dieu. Et il y avait beaucoup d'enfants ? 5. Tu sais combien de morts en tout ? 32. Et tu affirmes que Pacha sait ce qui se passait ? Je dis c'est l'administrateur qui a donné les ordres au sergent Yemba. T'as rendu compte ? Ce que tu dis est très grave. Tu ne peux pas accuser Pacha sans preuve. Ce que je dis est vrai. Et ce n'est pas tout. Il a fait le bal. Le bal ? Mais de quoi parles-tu ? Lorsque les récolteurs n'apportent pas assez de caoutchouc, pour les punir, on leur fait faire le bal. On leur met des poutres sur le dos et on les oblige à tourner autour d'une case. L'autre jour à Bambio, l'administrateur était là avec le chef de la compagnie. Il y avait 10 hommes qui n'avaient pas apporté assez de caoutchouc. Alors on leur a fait faire le bal. Il a commencé à 8h du matin. Il faisait très chaud et les poutres étaient très lourdes. Et il tournait. Et quand il tombait, les gardes, ils les frappaient. À 11h, Malingué, il est tombé. Et les gardes l'ont frappé, mais ça ne servait à rien. Ils pouvaient toujours le frapper. Il était déjà mort. Alors les gardes sont allés voir l'administrateur, qui a dit « Je m'en fous ». Est-ce que je dois croire la parole d'un vieux nègre qui me réveille au milieu de la nuit ? Ce ne sont peut-être que des affabulations de vieux sorciers, des mensonges destinés à je ne sais trop quoi. Et si tout ce qu'il dit était vrai, pourquoi mentirait-il ? Et pourquoi Blo tient-il absolument à nous parler hors de la présence de Pacha ? Tout le monde a l'air de le craindre. Même le vieux noir n'osait pas prononcer son nom. Qu'est-ce que je dois faire ? Continuer ma route comme si de rien n'était ? Oublié. Vous devriez venir, je vous assure que cela fait un bien fou. L'eau est excellente. Je ne suis pas certain d'apprécier ce genre de bain de pied. Oh, et puis j'ai toujours peur qu'un crocodile... Un crocodile! Mais tous les gamins viennent se baigner ici, s'il y avait des crocodiles. Messieurs, le repas est servi. Ah. Au menu, pintade, tuée ce matin par votre serviteur. Il a osé faire ça? Comme je vous le dis. À peine Samba vous a-t-il quitté que les hommes de Pacha lui sont tombés dessus et l'ont arrêté. Avec son fils d'ailleurs. Croyez-moi, je ne donne pas cher de leur peau. Les prisons de Bambio sont de véritables mouroirs. Je ne pensais pas que Pacha oserait faire une chose pareille. Qu'est-ce que vous croyez? Il se sent tout puissant. D'ailleurs, il l'est. Avec la forestière derrière lui, il n'a rien à craindre. J'en suis la preuve vivante. Hein. Que voulez-vous dire? Je me suis élevé contre certaines pratiques de la compagnie forestière. Et avant d'avoir eu le temps de faire quoi que ce soit, la forestière m'attaquait pour faute grave. Laquelle? Je n'en sais rien. La lettre est passée directement du bureau de Weber à celui du ministre des colonies. Autant vous dire que je ne devrais pas tarder à recevoir ma mise à pied. Vous voulez dire remercier de l'administration des colonies? Non. Je finirai probablement dans un bureau du ministère à classer les dossiers. Vous comprenez, monsieur, on ne veut surtout pas que les choses bougent ici. Il y a trop d'intérêts en jeu. La forestière fournit le caoutchouc nécessaire à nos industries, et le gouvernement français, prétendant apporter la civilisation aux nègres, ferme les yeux sur ses agissements. Le gouvernement sait ce qui se passe ici. Bien sûr. Mais il fait pire. Il cautionne en silence l'exploitation des nègres. Vous avez entendu parler de la contrainte? Non. La contrainte, c'est le terme officieux pour expliquer comment les compagnies font travailler les Noirs pour un salaire le plus bas possible. Mais il y a des lois. Pourquoi croyez-vous que je suis rappelé de toute urgence en France? Mon rapport menaçait de conduire la compagnie forestière devant les tribunaux pour non-observation de la loi sur le travail et recrutement illégal de travailleurs. Je devrais même dire de travailleuses. De travailleuses? Que voulez-vous dire? N'avez-vous pas remarqué que ce sont des femmes qui sont employées au remblayage de la route? Bien sûr que si. Figurez-vous que dans ce coin de l'Afrique, une loi interdit aux Africains de planter des EVA. Ils doivent donc exploiter ce qui pousse naturellement en forêt, ce qui les oblige à aller toujours plus loin s'ils veulent rapporter la quantité de caoutchouc minimum que leur impose la compagnie. Ils sont rémunérés pour cela? Officiellement seulement. C'est là qu'intervient la contrainte. Le tarif est de 2 francs par kilo. Je vous rappelle qu'on le vend 40 à Paris. Mais la compagnie ne paie jamais le plein tarif. Le plus souvent, ça tourne autour de 1 franc. Ils ne réclament pas? Que voulez-vous qu'ils réclament? Aucun d'eux ne connaît la valeur de l'argent. Amusez-vous un jour. Proposez à un de vos porteurs une pièce de 1 franc et un billet de 50. Je vous fiche mon billet qu'il prend la pièce. Certains nègres refusent de travailler. C'est là que les femmes entrent tristement en jeu. Elles deviennent une monnaie d'échange. Quand les hommes ont fui, leurs femmes sont jetées en prison jusqu'à ce qu'ils reviennent. Vous dites aussi qu'elles travaillent sur les routes. Pendant que les hommes sont au caoutchouc, l'administration se sert des femmes comme main d'œuvre gratuite. Les femmes noires pour l'administration française, ce n'est que du bétail. Peut-être moins encore. Monsieur Gide, pour moi, le combat est terminé. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'ici, le caoutchouc a la couleur du sang. Le voyage au Congo prend alors une toute nouvelle dimension. André Gide décide de rester un peu plus longtemps que prévu dans la région de Bambio. Oubliez ces femmes trimant dans la boue sur le bord de la route, ces enfants apeurés, le bal de Bambio. Oublier est impossible. Je dois savoir. Mais pas seulement. Je ne suis pas venu en Afrique juste pour terminer en beauté une histoire d'amour. J'ai désormais une mission. Faire connaître la vérité. Pour une fois, je veux que ma voix, que mes écrits portent. Ne pas juste être l'écrivain de 12 lecteurs, mais celui qui dit au monde la vérité sur le caoutchouc sanglant. Persuadé qu'il ne peut plus se taire, Gide décide de mener une véritable enquête, d'interroger un maximum de témoins. Mais il se heurte souvent à un véritable mur de silence. Rares sont ceux qui osent témoigner contre les agissements de la forestière. Lorsqu'il le peut, cependant, en véritable amoureux de la nature, Gide s'éloigne pour profiter seul de la beauté des paysages et des animaux. Il note dans son carnet de voyage « Un gros singe gris vient étourdiment se balancer, puis prendre peur à quelques mètres au-dessus de ma tête. On entend et l'on voit de hautes branches s'agiter, un bond, une fuite, et très loin déjà, retourné vers nous, une petite face grise avec deux yeux brillants. Par instant, les branches s'écartent. Il y a des clairières que bientôt le printemps emplira de son enchantement. Ah, que je voudrais m'arrêter, m'asseoir, ici, sur le flanc de cette termitière monumentale, dans l'ombre obscure de cet énorme acacia, à épier les ébats de ces singes, à m'émerveiller longuement. Tout serait comme si je n'étais pas, et j'oublierais moi-même ma présence pour ne plus être que vision. Oh, ravissement indicible! Il est peu d'instants que j'aurai plus grand désir de revivre. Pendant ce temps, Marc Allégret filme. Juste avant leur départ, André lui a offert une caméra et un appareil photo. Il filme sur le vif des scènes de danse, de village, de chasse. Après le départ d'Yvonne de Trévise, André et Marc ont retrouvé leur complicité. Mais entre les deux hommes, quelque chose s'est définitivement brisé. Ils ne seront probablement plus jamais amants. Le jeune étudiant un peu fou et qui se cherchait avant son départ est en train de devenir un homme qui a choisi non seulement sa sexualité, mais surtout le but de sa vie. Il deviendra cinéaste. Un soir qu'il fait des repérages, il découvre, dissimulé derrière une barricade, une centaine d'enfants nus et crasseux qui tentent de se réchauffer à de maigres feux d'herbes séchées. Il apprend qu'ils ont été enrôlés de force pour refaire la route, qu'ils sont là depuis 6 jours et que, à part leurs maigres provisions, on ne leur a rien donné à manger. Lorsque Marc revient avec Gide au petit matin, les enfants ont disparu. Gide se rend auprès du représentant de la compagnie forestière. Monsieur Gide, qu'est-ce qui vous amène ? Vous ne deviez pas poursuivre vers le Tchad ? Je voulais vous demander, savez-vous ce que sont devenus les enfants qui étaient parqués hier soir près de la maison des gardes ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ne vous moquez pas de moi. Moi, les petites filles et les petits garçons, c'est pas mon truc. Mais si ça vous intéresse... On parle des enfants qui sont employés à faire la route. La route ? C'est pas mon problème. C'est l'administration. Oh que si, c'est votre problème. Ce n'est d'ailleurs que le vôtre. Puisque la seule voiture à des centaines de kilomètres à la ronde est celle de la compagnie forestière, donc la vôtre. Cette route ne sert que les intérêts de la compagnie. C'est faux. Elle est destinée à rejoindre Nola. Et pour ça, il faudrait traverser le Grand Marigot. C'est actuellement impossible. Alors que les 10 kilomètres que vous faites entretenir à peu de frais par des femmes et des gamins que vous laissez crever sur le bord de la route, vous êtes bien le seul à les emprunter. Et vous savez pourquoi ils ont bossé, les gamins ? Parce qu'on nous a demandé de la réparer au plus vite pour votre convoi. Pour que monsieur l'écrivain il ne soit pas trop secoué pour aller voir le Grand Marigot. Alors, venez pas me faire la leçon. Croyez-vous que je l'ignore ? J'espère même que d'autres routes seront ouvertes, et qui sait, grâce à moi. Elles soulageront le travail des porteurs. Je veux juste qu'elles ne soient pas faites par des esclaves. Si les négros se réfugiaient pas au fond de leur forêt dès qu'on veut les faire bosser... Et pourquoi fuit-il ? Je vais vous le dire, moi. Parce que les conditions de travail que leur impose votre compagnie sont insupportables. Parce que vous les obligez à fournir du caoutchouc dans des conditions inhumaines. Parce que s'ils n'en fournissent pas assez, au mieux, ils doivent payer de telles amendes qu'ils sont obligés de travailler 2 fois plus, et au pire, ils sont jetés en prison. Des prisons où la moitié des prisonniers entassés dans des conditions d'hygiène déplorables ne sortent pas vivants. Vous commencez à me faire chier. Qu'est-ce que vous venez m'emmerder ? Vos gamins, ils sont repartis chez eux, ça vous suffit pas ? Vous accusez la forestière de tout. Je n'accuse personne. Vous savez pourquoi Blo, il a atterri dans ce trou ? Parce que déjà, dans son poste précédent, il a eu des démêlés avec ses chefs. C'est pas la première fois qu'il est accusé. Alors vous voyez bien que ça sert à rien. Ça prouve au moins que lui, il ne ferme pas sa gueule. Qu'est-ce que vous voulez dire ? qu'il y a ceux qui luttent contre le système et ceux qui se couchent devant. Eh ben, comme ça, on est deux, à ce qu'on dit. Répétez cela, je vous casse la gueule. Tu crois que tu me fais peur ? Calmez-vous ! Marc, ça suffit. Je veux que vous compreniez que nous n'avons rien contre la forestière. Vous foutez pas de ma gueule. La forestière, pour vous, elle est responsable de tout. Et nous autres, on n'est que des tortionnaires. Même les querelles entre nègres, c'est de notre faute. Vous pouvez bien croire ce qu'on vous raconte, mais le massacre qu'il y a eu dans le village de Bodemberé, c'est rien que des vengeances de ces sales négros entre eux. Ils ont profité de l'occasion pour s'entretuer. Ils sont bons qu'à ça. Comme ça, ils peuvent se bouffer entre eux après. Et pour le bal de Bambio, ils avaient décidé de se punir eux-mêmes. Et qu'est-ce que vous croyez? Que la forestière, elle a le droit de juger les nègres? Il y a l'administration pour ça. Mais vous y étiez ce jour-là, assis tranquillement à côté de Monsieur Pacha. Le bal, c'est juste une punition qui a mal tourné. En France, ça arrive tous les jours que dans les prisons, il y a des punitions qui tournent mal. Tout le monde s'en fout, mais c'est parce que c'est des nègres, alors là, le bourgeois, il est choqué. Regarder un homme en train de mourir sans lever le petit doigt, oui, ça me choque. Ça me choque tellement, monsieur, que mes nuits sont devenues des cauchemars. Ça me choque tellement que je ne peux plus regarder un enfant noir dans les yeux. Ça me choque tellement que si je me taisais, je ne pourrais plus jamais me regarder dans une glace. Ça me choque tellement que dès mon retour en France, monsieur, le monde saura comment le pays des droits de l'homme, celui de Voltaire et de Condorcet, traite ses enfants de couleur. André Gide et Marc Allégret débarquent à Bordeaux en mai 1926, après un périple de 10 mois. Gide publie « Voyage au Congo », un violent réquisitoire contre les agissements des compagnies forestières. Une partie de l'opinion s'indigne. Le gouvernement promet de régler la situation. Seule la concurrence du caoutchouc asiatique, 10 ans plus tard, mettra un terme définitif aux agissements des compagnies forestières. Cette longue traversée du continent noir aura été un tournant décisif dans la vie des deux hommes. L'écrivain parisien y aura fait ses armes d'intellectuel engagé et l'étudiant dilettante ses premiers pas de cinéaste. Leur relation ne sera plus la même. Dès leur retour, Marc a retrouvé Yvonne, la mère de son futur fils. Désormais, une solide amitié liera André et Marc, qui évoqueront souvent ensemble leurs souvenirs d'Afrique. Ce que je ne puis peindre, c'est la beauté des regards de ces indigènes, l'intonation émue de leur voix, la réserve et la dignité de leur maintien, la noble élégance de leurs gestes. Auprès de ces noirs, combien de blancs ont l'air de goujats ? Et quelle gravité triste et souriante dans leurs remerciements et leurs adieux ! Quelle reconnaissance désespérée envers celui qui veut bien enfin considérer leur plainte. « Le voyage au Congo d'André Gide » de Jean-Philippe Noël avec Michel Derville, André Gide, Baptiste Dezers, Marc Allégret, Yvonne de Trévise, Clotilde Morgiève, François Sienner, Georges Pacha, Modeste Enzapasara, Samba Ngoto, Joachim Salinger, André Blau, François Kergoulet, le représentant de la compagnie forestière. Bruitage Sophie Bissans, prise de son montage et mixage Pierrick Charles et Manon Houssin, assistant à la réalisation Félix Levaché, réalisation Michel Sidoroff. Dans quelques minutes, on retrouve mon invité Franck Lestringant pour poursuivre la discussion sur André Gide et son voyage au Congo. Jamou par Oumou Sangaré sur France Inter dans Autant n'importe l'histoire, l'émission réalisée par Michel Billou, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Stéphane Boja. Alors, Franck Lestringant, au départ, on l'a dit, ce voyage au Congo était pour André-Gide un voyage d'agrément. Eh bien, voici comment il en parle quelques années plus tard, en 1949. Il y a un élément qu'il faut bien mettre aussi en avant. J'étais moi-même extrêmement attiré. Comment dirais-je ? Ne mettons pas ça uniquement sur le plan psychologique, n'est-ce pas ? J'étais très attiré, osons le dire, sensuellement aussi, par la race noire. Et une race non déformée par le costume, la civilisation, les lois, les mœurs. J'espérais trouver là-bas, je ne l'ai pas toujours trouvé, mais certaines fois, une humanité est libre et naturelle. Une humanité libre et naturelle, on est en plein fantasme, Franck Lestringant. Donc c'était André-Gide interviewé en 1949 par Jean Amrouche. La réalité de l'Afrique va le surprendre et l'amener vers d'autres directions. Oui, il fait un voyage d'évasion. Il veut s'évader de l'Europe. L'Europe où il s'est passé cet épouvantable massacre de la Première Guerre mondiale. Et au lieu de débarquer dans le paradis, il découvre quelque chose qui ressemble à l'enfer. Alors ça confirme un peu ce que Conrad écrivait dans Au cœur des ténèbres. Il est lui-même au cœur des ténèbres. Et le livre, Le voyage au Congo, est dédié à la mémoire de Joseph Conrad, qui est mort peu avant. Le courage, on peut parler de courage, il me semble, d'André-Gide, c'est qu'il ne se détourne pas, comme il dit, il pourrait juste passer son chemin. Eh bien non, il se confronte à cette réalité. Alors, et il décide qu'il a une mission. Alors, Gide est protestant d'origine. Il a perdu la foi déjà depuis un certain temps. Il vagabonde à la recherche de ses amours, enfin ses amours homosexuels et pédérastiques, même pour être plus précis. Mais il a gardé de son protestantisme ce besoin de témoigner. Et ça revient régulièrement dans sa vie. Au moment du voyage en URSS, 10 ans plus tard, ça va être la même chose. Il reste protestant. Il a un virus protestant, en quelque sorte. Et jusqu'à la fin de ses jours, il aura cette volonté de témoigner contre ce qu'on attend. Témoigner contre ce qu'on voudrait qu'il pense. Et donc, c'est pour ça qu'il écrit ce livre, Voyage au Congo, à son retour. Alors, dès son retour, il va voir sa femme. Il va voir Madeleine Gide, qui espérait, alors Madeleine se trompait un peu, qu'il encouragerait les missions. En fait, c'était un peu l'inverse. Gide voulait partir là-bas un peu pour profiter des missions, pour satisfaire ses plaisirs, en fait. Mais, finalement, il retrouve cette vocation missionnaire. Alors, il va pas répandre la foi chrétienne, bien sûr, la foi évangélique, pas du tout, pas du tout. Mais, il défend les Noirs. Alors, il a des préjugés un peu racistes sur les Noirs, il faut dire. On l'entend, hein, de toute façon. On l'entend, oui, on l'entend dans cette fiction qui est très bien faite, qui est très, très bien jouée et très bien faite. Il pense que les Noirs ne sont pas très intelligents. Il essaye d'apprendre à écrire à son domestique et il dit, mais de toute façon, son intelligence est limitée et l'intelligence de ces gens-là est limitée. Mais, en dépit de réflexes un peu regrettables, hein, et même un peu qui pourraient scandaliser aujourd'hui, qui sont scandaleux, il va prendre la défense des Noirs et des populations noires qui sont détruites. Il y a véritablement un génocide qui est en train de s'opérer en Afrique. Et ça, je ne me rendais pas compte. Par exemple, le chemin de fer de Brazzaville-Océan jusqu'à Pointe-Noire, oui, le fameux chemin de fer qui fonctionne encore aujourd'hui, mais qui est régulièrement accidenté, il y a eu 17 000 morts. Et alors, la traite du caoutchouc, ça a entraîné des milliers de morts également, parce que les Noirs ont essayé d'échapper à la corvée, d'échapper aux massacres tels qu'ils sont décrits aujourd'hui, et ils changeaient de lieu, et ils mouraient souvent, ils mouraient. André-Gide est-il le premier à dénoncer cette réalité ? Ah, déjà Joseph Conrad, dans Au cœur des ténèbres, a un peu dénoncé d'une certaine manière cette réalité. Mais non, il n'est pas tout à fait le seul. Mais c'est le premier qui va donner un tel écho à ce qu'il dénonce. Alors, il est pris entre cette volonté de dénoncer ce qui ne va pas, et puis il veut aussi chanter l'Empire. Il n'est pas anticolonialiste. C'est ça qu'il sera sympathisant communiste dans la décennie qui va suivre. Mais pour le moment, il défend l'Empire colonial. Il pense que la France a un rôle positif à jouer en Afrique et qu'elle apporte aux Noirs, qu'elle apporte tout ce qui leur manque. Oui, il va voir le gouvernement parce qu'il pense que le gouvernement français ignore ce qui se passe réellement, alors que le gouvernement est évidemment au courant de ce qui se passe. Il y a un personnage qu'on n'a pas évoqué, c'est le gouverneur Raphaël Antonetti, qui est le gouverneur de l'AEF, de l'Afrique équatoriale française, et qui a autorisé le voyage de Gide, qui l'a soutenu et qui lui prête des porteurs, par exemple. C'est 70 porteurs qui l'accompagnent. Donc, Gide est un peu coincé parce que s'il dénonce, s'il raconte tout ce qu'il sait, il va s'attirer des ennuis, puis attirer des ennuis aussi à ses amis. Ça s'appelle un conflit d'intérêts. Voilà, il y a un conflit d'intérêts, effectivement. Et cette histoire qui va durer très longtemps, jusqu'en 1929, il y a une polémique à la Chambre des députés, ça remonte jusqu'à la Chambre. Finalement, Gide ne fait pas tout ce qu'il aurait pu faire parce qu'il est coincé. Est-ce que ce livre, Voyage au Congo, est-ce que son action aura un effet sur la réalité africaine ? Officiellement, oui, mais en fait, pas vraiment, parce que ça va continuer comme avant. C'est-à-dire que le gouvernement français n'a pas d'argent à mettre, ne veut pas mettre d'argent dans cette colonie, qui profite à des intérêts privés, qui profite à la forestière, à la compagnie forestière, et la forestière lui répond dès que le journal de Gide va paraître en volume, mais avant de paraître en volume, il est publié en feuilleton par Léon Blum, le fameux Léon Blum. Donc l'avocat Léon Blum, qui est un ami de Gide de longue date, publie Le Voyage au Congo et prend le parti de Gide et des Noirs. Donc, alors c'est tout à fait admirable. Et Blum fait beaucoup de publicité à ce Voyage au Congo. C'est un peu grâce à lui, finalement, que Le Voyage au Congo a une telle répercussion, un tel écho. Quand on pense à écrivain engagé, on pense tout de suite à Sartre, à Camus ou à Malraux. Est-ce que Gide, déjà, avant eux, était un écrivain engagé ? Oui. Alors Sartre, c'est bien de le mentionner parce que Sartre est un peu un héritier de Gide. Ils se sont connus, bien sûr. Et Sartre, pendant la guerre, par exemple, a essayé d'entraîner Gide dans la résistance, de résister aux Allemands. Et puis Gide... C'était déjà un vieux monsieur, là. Hein. C'était un vieux monsieur. Et puis surtout, il avait été très échaudé par l'histoire de l'URSS. Hein. Son retour du RSS, bon, qui est un texte magnifique, qui est un texte important. Il faut rappeler, donc, en 1936, oui. André Gide, compagnon de route du PC, du Parti communiste, oui. Était parti en URSS, un voyage d'amitié, et puis finalement, en revenant, il a dénoncé la réalité stalinienne. Absolument, dans un livre qui lui a fait beaucoup d'ennemis au sein des intellectuels, oui, communistes. Absolument. Beaucoup d'ennemis, des ennemis dangereux, parce que ces ennemis, les communistes, l'attaquent avant-guerre, mais ils l'attaquent aussi à nouveau pendant la guerre, à la fin de la guerre. Aragon, par exemple, qui joue un rôle absolument abominable dans cette histoire, Aragon... Comme souvent le cas. Mais Louis Aragon, dans des journaux, évidemment, dit que Gide est un... Alors, il ne le traite pas de collaborateur, mais il suggère que Gide a pu collaborer, a pu finalement soutenir l'Allemagne, alors qu'en fait, c'est faux. Mais Gide se méfiait et s'est tenu à distance de tout engagement, aussi bien dans la résistance, évidemment, que de l'autre côté. Il n'était pas du tout de l'autre côté. André Gide, c'était un homme libre pour vous, Franck Lestringhan ? Oui, mais il avait un héritage, en quelque sorte. Il avait... L'héritage, je dis... Au sens matériel, bien sûr, mais au sens intellectuel. C'est un protestant. Hein. Et donc, en tant que protestant, il voit l'envers des choses. Il voit toujours le côté inverse de ce qu'on lui dit. Alors, bien sûr, au début du voyage au Congo, il chante la gloire de l'Empire. Et il pleure. Il dit qu'il a des larmes qui lui coulent sur le visage lorsqu'il voit les couleurs. Il voit le drapeau. Quand on hisse le drapeau le matin dans l'émission, il ne peut pas s'empêcher de pleurer. Mais il va être amené à voir ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas, et les abus qui sont commis à l'égard des Noirs, et notamment par la compagnie forestière. Et Marc Allégret deviendra un grand réalisateur de cinéma. Absolument. Et le premier film de Marc Allégret, c'est Le Voyage au Congo. Merci beaucoup, Franck Lestringhan. Je rappelle, les deux tomes de votre biographie, André Gide, l'Inquiéteur, sont parus chez Flammarion, et vous venez de publier Le Théâtre de la Floride aux éditions PUPS. Merci. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Une émission à réécouter, podcastée sur notre site franceinter.fr où j'attends comme d'habitude vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Si vous les avez manqués, vous pourrez par exemple écouter Berthe Morisot, une femme chez les impressionnistes, ou encore Fernande et Pablo. La semaine prochaine, Davis Bend, Mississippi, quand Scarlett était noire. Une histoire incroyable, en 1872 aux États-Unis, à la fin de la guerre de sécession, une famille d'esclaves noirs a racheté la belle maison à colonnes et la plantation de champs de coton où ils travaillaient. Les anciens esclaves sont devenus les maîtres. Mais l'ancien propriétaire, chef sudiste et partisan de l'esclavage, va tout faire pour récupérer ce qu'il considère comme son bien. Mon invité sera l'écrivain Judith Pérignon, qui est aussi l'auteur de la fiction. Davis Bend, Mississippi, quand Scarlett était noire, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.